Yo, article de la White Team, frère. 91, frère, on est là, pas de galère. Yeah, yeah, je représente sur le beat, yo. Ballon. Yo, yo, ça fait. Lâche, c'est des fat flow. Clash, fais des tas de choses. Marche dans des tas de pros. Large, j'en ai pas de beau. C'est qui pour couleur ternique, car d'un coup, les flows sont permis. Puisque le rap se termine en panne sans les sons, les vermines. Lâchez des houas, des hola, c'est moula. Les mecs, vous êtes oula, c'est l'outside, c'est nous là. Je suis tellement fou là, que le mic et le sampler crack. Le hip hop est mon univers, ma bulle façon center park. Je lâche du hors norme, croque, le bise est mort fort. Protège mon rap précieux comme un anneau dans le Mordor. Et quand je m'exécute, paraît que les plans saturent tous. Ton bras m'égette comme un baggy enfilé sans ceinture. Ici, si, c'est article et c'est temps, si, c'est quasi décisif pour les MC qui font de l'anti-sèche. Je marche des fat flow, clash, fais des tas de choses. Marche dans des tas de pros, large, on est pas, yo. End of the week, frère.